fuis le monde, je m'enferme et je m'isole quand mes sentiments, mon pouls, mes pensées s'affolent quand j'ai trop de rancœur, je fais trembler mon cœur, je fais cendrer mon cœur, j'écris avec la lave des volcans. Quand je vais bien, je rêve de liasse et de poitrine. Quand je vais mal, je rêve d'une balle dans ta poitrine. Peu à peu, j'ai vu défiler heures et années. Peu à peu, j'ai vu toutes les fleurs se faner. En fait, globalement, mon cher fils d'emballement. On me dit que je suis trop bizarre, je sais, je suis pas très normalement. Mais big girl, je crois que je suis pas le mec idéal, non. Je les abîme légalement, la THC est remplacée calmement. Je la fais smoke, elle me dit que ma weed est hypnotique. Elle a du flow, je glisse dedans comme au ski nautique. Attitude désintégrative de petit autiste. Je suis sous psychotique, je m'éloigne, je fume et je me soigne, je fonce dans ma bulle. Quand je suis dans ma bulle, y'a plus rien que je calcule. Ma weed est trop puissante, ta mère, je fume la Hercule. Et je reste dans ma bulle. Y'a trop de tentations, je me perds dans les tentacules. Je me sens bien dans ma bulle. Ou dans sa hiche quand j'éjacule. Ils sont toujours devant, je prends mon élan si je recule. Mon cœur est froid sous mon pull. Dans ma tête c'est canicule. J'ai la rage comme un pitbull. Je me calme dans ma petite. Toujours dans ma bulle. Bon c'est vrai que j'abuse. C'est pas ma faute à moi. C'est putain de vie que j'accuse. On me dit Joe t'es paro. Moi je dis je tombe pas dans la ruse. Sans que mon cerveau s'use. J'ai trop d'idées qui fusent. Quand vient la nuit ou quand vient la pluie, j'roule une grosse canne sur laquelle j'm'appuie. Et ceux qui retournent leur veste, ceux qui me tournent le dos. Toujours dans le vrai, dans le vrai. Moi je fais pas pour de faux. Mignon garçon, big stoner. Big toi tonnerre, big charbonneur. Trouve pas le bonheur, mais je m'en bats les couilles. Tant que je reste un homme d'honneur, je reste un vrai négro jusqu'à ce que sonne mon heure. Bitch, t'étais où dans mes poches étaient vides. Reste où t'étais et ma proche est vide. Fini le stick totalement, puis je communique plus verbalement. L'esprit est dans littéralement, la THC est remplacée calmement. Je fonce dans ma bulle, quand je suis dans ma bulle, y'a plus rien que je calcule. Ma weed est trop puissante, sa mère, je fume la Hercule. Et je reste dans ma bulle, y'a trop de tentations, je me perds dans les tentacules. Je me sens bien dans ma bulle, ou dans sa ch quand j'éjacule. Ils sont toujours devant, je prends mon élan si je recule. Mon cœur est froid sous mon pull, dans ma tête c'est canicule. J'ai la rage comme un pitbull, je me calme dans ma petite bulle. Thank you.